L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen Merowitz. Réalisation, Christine Bernard-Sugy. Premier épisode. Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J'ai reçu un télégramme de l'asile. Mère décédée, enterrement demain, sentiment distingué. Cela ne veut rien dire, c'était peut-être hier. L'asile de vieillard est à Marengo, à 80 km d'Alger. J'arriverai dans l'après-midi. Ainsi, je pourrai veiller et je rentrerai demain soir. J'ai demandé 2 jours de congé à mon patron et il ne pouvait pas me les refuser avec une excuse pareille. Mais il n'avait pas l'air content. Je lui ai même dit « ce n'est pas ma faute ». Il n'a pas répondu. J'ai pensé alors que je n'aurais pas dû lui dire cela. En somme, je n'avais pas à m'excuser. C'était plutôt à lui de me présenter ses condoléances. Pour le moment, c'est comme si maman n'était pas morte. Après l'enterrement, au contraire, ce sera une affaire classée et tout aura revêtu une allure plus officielle. J'ai couru pour ne pas manquer le départ. Cette hâte, cette course, c'est à cause de tout cela, sans doute, ajouté au chaos, à l'odeur d'essence, à la réverbération de la route et du ciel, que je me suis assoupi. J'ai dormi pendant presque tout le trajet. Et quand je me suis réveillé, j'étais tassé contre un militaire qui m'a souri et qui m'a demandé si je venais de loin. J'ai dit oui, pour n'avoir plus à parler. Il faisait très chaud. L'asile est à 2 kilomètres du village. J'ai fait le chemin à pied. J'ai voulu voir maman tout de suite, mais le concierge m'a dit qu'il fallait que je rencontre le directeur. Il m'a reçu dans son bureau. C'était un petit vieux, avec la Légion d'honneur. Il m'a regardé de ses yeux clairs, puis il m'a serré la main qu'il a gardée si longtemps que je ne savais trop comment la retirer. Il a consulté un dossier et m'a dit... Madame Meursault est entrée ici il y a 3 ans. Vous étiez son seul soutien. C'est parce que je manquais... Vous n'avez pas à vous justifier, mon cher enfant. J'ai lu le dossier de votre mère et vous ne pouviez pas subvenir à ses besoins. Il lui fallait une garde, vos salaires sont modestes. Et tout compte fait, elle était plus heureuse ici. Mais oui, monsieur le directeur. Vous savez, elle avait des amis, des gens de son âge. Elle pouvait partager avec eux des intérêts qui sont d'un autre temps. Vous êtes jeune et elle devait s'ennuyer avec vous. Je suppose que vous voulez voir votre mère. Nous l'avons transportée dans notre petite morgue pour ne pas impressionner les autres. Chaque fois qu'un pensionnaire meurt, les autres sont nerveux pendant 2 ou 3 jours. Et ça rend le service difficile. Je vous laisse, monsieur Meursault. Je suis à votre disposition. En principe, l'enterrement est fixé à 10 heures du matin. Nous avons pensé que vous pourrez ainsi veiller la disparue. Un dernier mot. Votre mère a, paraît-il, exprimé souvent à ses compagnons le désir d'être enterrée religieusement. J'ai pris sur moi de faire le nécessaire, mais... Mais je voulais vous en informer. Merci, monsieur le directeur. Maman, sans être athée, n'avait jamais pensé de son vivant à la religion. Quand elle était à la maison, maman passait son temps à me suivre des yeux en silence. Dans les premiers jours où elle était à l'asile, elle pleurait souvent. Mais c'était à cause de l'habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l'avait retirée de l'asile. toujours à cause de l'habitude. C'est un peu pour cela que, dans la dernière année, je n'y suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche, sans compter l'effort pour aller à l'autobus, prendre des tickets et faire 2 heures de route. On l'a couverte, mais je vais dévisser la bière pour que vous puissiez la voir. Non. Vous ne voulez pas la voir? Non. Pourquoi? Je sais pas. Je comprends. C'était une salle très claire, blanchie à la chaux et recouverte d'une verrière. Elle était meublée de chaises et de chevalets en forme de X. Deux d'entre eux, au centre, supportaient une bière recouverte de son couvercle. On voyait seulement des vis brillantes, à peine enfoncées, se détacher sur les planches passées au brou de noix. Près de la bière, il y avait une infirmière arabe, en sarrau blanc, un foulard de couleur vive sur la tête. C'est un chancre qu'elle a. Je comprends pas. L'infirmière, c'est un chancre qu'elle a. Elle s'est dirigée vers la sortie. Je l'ai regardée et j'ai vu qu'elle portait sous les yeux un bandeau qui faisait le tour de sa tête. À la hauteur du nez, le bandeau était plat. On ne voyait que la blancheur du bandeau dans son visage. Je vais vous laisser seule. La pièce était pleine d'une belle lumière de fin d'après-midi. Et je sentais le sommeil me gagner. Il faut l'enterrer très vite parce que dans la plaine, il fait chaud. Surtout dans ce pays. À Paris, on reste avec le mort 3-4 jours quelquefois. Ici, on n'a pas le temps. On ne s'est pas fait à l'idée que déjà, il faut courir derrière le corbillard. Ah, vous n'êtes pas d'ici? Je suis parisien. Il y a longtemps que vous êtes là? 5 ans. Qui aurait pu me dire que je finirais concierge à l'asile de Maringo? J'ai 64 ans. Je suis entré à l'asile comme indigent. Comme je me sens valide, je me suis proposé pour cette place de concierge. En somme, vous êtes pensionnaire? Non. J'ai été frappé par la façon qu'il avait de dire « il », les autres, les vieux. En parlant des pensionnaires dont certains n'étaient pas plus âgés que lui. Lui était concierge et, dans une certaine mesure, il avait des droits sur eux. Le soir est tombé brusquement. Vous venez au réfectoire pour le dîner? J'ai pas faim. Alors je vous rapporte une tasse de café au lait. J'aime beaucoup le café au lait. Est-ce que je peux fumer devant maman? Ça n'a aucune importance. Vous voulez une cigarette? Merci. Vous savez, les amis de votre mère vont venir la veiller aussi. C'est la coutume, il faut que j'aille chercher du café noir. Est-ce qu'on peut éteindre une de ces lampes? L'éclat de la lumière sur les murs blancs me fatigue. C'est pas possible, l'installation est ainsi faite, c'est tout ou rien. Il s'est assis en face de moi, de l'autre côté de maman. L'infirmière était aussi au fond, le dos tourné. Je ne voyais pas ce qu'elle faisait, mais au mouvement de ses bras, je pouvais croire qu'elle tricotait. Il faisait doux, le café m'avait réchauffé, et par la porte ouverte, entrait une odeur de nuit et de fleurs. Je crois que j'ai somnolé un peu. C'est un frôlement qui m'a réveillé. Les amis de maman, ils étaient en tout une dizaine. Je les voyais comme je n'ai jamais vu personne. Pourtant, je ne les entendais pas et j'avais peine à croire à leur réalité. Je n'avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me frappait dans leur visage, c'est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur sans éclat au milieu d'un nid de rides. Lorsqu'ils se sont assis, la plupart m'ont regardé et ont hoché la tête avec gêne, les lèvres toutes mangées par leur bouche sans dents, sans que je puisse savoir s'ils me saluaient ou s'il s'agissait d'un tic. J'ai eu un moment l'impression ridicule qu'ils étaient là pour me juger. Faut pas pleurer comme ça. Allez, ma petite dame. Elle était très liée avec madame votre mère. Elle dit que c'était sa seule amie ici et que maintenant elle n'a plus personne. À présent, c'était le silence de tous ces gens qui m'étaient pénibles. J'avais l'impression que cette morte, couchée au milieu d'eux, ne signifiait rien à leurs yeux. Je crois que c'était une impression fausse. Ensuite, je ne sais plus, la nuit a passé. Je me souviens qu'à un moment, j'ai ouvert les yeux et j'ai vu que les vieillards dormaient tassés sur eux-mêmes, à l'exception d'un seul qui, le menton sur le dos de ses mains agrippé à la canne, me regardait fixement, comme s'il n'attendait que mon réveil. C'était une belle journée. Il y avait longtemps que j'étais allé à la campagne. Je sentais quel plaisir j'aurais pris à me promener s'il n'y avait pas eu maman. Les employés des pompes funèbres sont là depuis un moment. Voulez-vous voir votre mère une dernière fois? Non. Bon. Comment faut-il ? Je respirais l'odeur de la terre fraîche et je n'avais plus sommeil. J'ai pensé aux collègues du bureau. À cette heure, ils se levaient pour aller au travail. Pour moi, c'était toujours l'heure la plus difficile. Les pensionnaires ne doivent pas assister aux enterrements. C'est une question d'humanité. Pourtant, j'ai accordé l'autorisation de suivre le convoi à un vieil ami de votre mère. Thomas Pérez. Vous comprenez, c'est un sentiment un peu puéril. Et lui et votre mère ne se quittaient guère. À l'asile, on les plaisantait, on disait à Pérez, c'est votre fiancé. Alors lui, il riait, ça leur faisait plaisir. Et le fait est que la mort de Madame Meursault l'a beaucoup affecté. Au-dessus des collines qui séparent Marengo de la mer, le ciel était plein de rougeur et le vent qui passait au-dessus d'elle apportait ici une odeur de sel. Le ciel était déjà plein de soleil. Il commençait à peser sur la terre et la chaleur augmentait rapidement. Nous avons suivi les porteurs et nous sommes sortis de l'asile. Dans le cortège, il y avait l'infirmière arabe. Si on va doucement, on risque une insolation. Mais si on va trop vite, on est en transpiration. Et dans l'église, on attrape un chaud et froid. À côté d'elle, un vieillard à l'allure empruntée, j'ai compris que c'était M. Pérez. Il avait un feutre mou, à la calotte ronde et aux ailes larges, et un nœud d'étoffe noire trop petit pour sa chemise à grand col blanc. Son pantalon tire-bouchonnait sur les souliers. Ses lèvres tremblaient au-dessous d'un nez truffé de points noirs. Ses cheveux blancs assez fins laissaient passer de curieuses oreilles ballantes et mal ourlées, dont la couleur rouge sang dans ce visage blafard me frappa. Votre mère et M. Pérez allaient souvent se promener le soir jusqu'au village, accompagnés d'une infirmière. Je regardais la campagne autour de moi. À travers les lignes de cyprès qui menaient aux collines près du ciel, Cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je comprenais maman. Le soir dans ce pays devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd'hui, le soleil débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. La sueur coulait sur mes joues. Comme je n'avais pas de chapeau, je m'éventais avec mon mouchoir. Ça tape. Comment ? Ça tape. Ah oui. C'est votre mère qui est là ? Oui. Elle était vieille. Comme ça. Autour de moi, c'était toujours la même campagne lumineuse gorgée de soleil. L'éclat du ciel était insoutenable. Le soleil avait fait éclater le goudron, les pieds y enfonçaient et laissaient ouverte sa pulpe brillante. J'étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ses couleurs. Noir gluant du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture, tout cela, le soleil, l'odeur du cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de l'encens, la fatigue d'une nuit d'insomnie, me troublaient le regard et les idées. Pérez m'a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur. De grosses larmes d'énervement et de peine ruisselaient sur ses joues. Mais à cause des rides, elles ne s'écoulaient pas. Elles s'étalaient, se rejoignaient et formaient un vernis d'eau sur ce visage détruit. Il y a eu encore l'église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les tombes du cimetière, l'évanouissement de Pérez, la terre couleur de sang qui roulait sur la bière de maman, la chair blanche des racines s'y mêlait, encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un café, l'incessant ronflement du moteur et ma joie quand l'autobus est entré dans le nid de lumière d'Alger, et que j'ai pensé que j'allais me coucher et dormir pendant 12 heures. Nom, prénom ? Meursault. Adresse ? Rue de Lyon, Alger. Profession ? À l'administration du port. Avez-vous choisi un avocat ? Non. Est-il vraiment nécessaire d'en avoir un ? Pourquoi ? Je trouve mon affaire très simple. C'est un avis. Pourtant, la loi est là. Si vous ne choisissez pas d'avocat, nous en désignerons un d'office. Je trouve qu'il est très commode que la justice se charge de ces détails. Je vous approuve. La loi est bien faite. Vous savez, vous avez le droit de ne pas répondre à mes questions et d'attendre que votre avocat puisse vous assister. Je peux répondre seul. Greffier, s'il vous plaît. Bon. Entrons dans le vif du sujet. L'étranger, d'Albert Camus. Adaptation radiophonique, Nicole Marmet et David Zen-Merowitz. Premier épisode. Avec Jean-Michel Dupuis, Meursault, Michel Robin, le directeur, Paul Bisiglia, le concierge, Christian Pereira, le juge d'instruction, Jean-Jacques Chollet, l'employé des pompes funèbres, Yamina Medjoubi, l'infirmière, Aline Alba, la femme qui pleure. Musique originale et contrebasse, Hélène Labarrière. Prise de son au Maroc, Nicole Marmet. Bruitage, Bertrand Amiel. Prise de son, montage, mixage, Marie-Dominique Bougot, Marie-Thérèse Ferrand. Assistante, Anne de Pelchin. Réalisation, Christine Bernard-Sugy.